بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وعموم صديقنا مولانا أبي العباس أحمد الجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لونج أ الله سبحانه وتعالى كي نوزا بيرمي d'accéder au mois de Ramadan, ce mois du Saint-Coran, le livre béni qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il l'a révélé, comme il a dit dans la sourate Sad, Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. C'est un livre que nous avons fait descendre, c'est un livre béni, Kitabun mubarakun, que nous avons fait descendre afin que les gens puissent liyadabbaru ayatihi, c'est-à-dire, donc, il n'a pas dit liyadabbaru, mais il a utilisé l'expression de l'exploration, de l'exagération. Donc, afin qu'ils puissent vraiment réfléchir, cogiter sur ces signes, sur ces versets. Et Waliyat Zakara Ulul Albab, afin que les gens doués d'intellect, de raison, d'intelligence puissent se rappeler. Donc, louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait descendre donc sur son serviteur Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce Saint-Coran, et a fait de lui celui qui est le prototype même et l'incarnation de ce Coran, comme l'a si bien dit Sayyidat Aisha radiallahu ta'ala anha, kanat khuluquhu al-Qur'an, comme l'imam muslim rahimahullah ta'ala l'a rapporté dans son sahih, dans son recueil authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa nature était le Coran. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui, depuis le début de l'existence, a créé toute chose par pair, comme lui-même l'a dit, wa kullu shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tatadhakkarun. Chaque chose, nous l'avons créé en pair, c'est-à-dire, si on regarde par exemple le genre humain, il y a l'homme et il y a la femme. Et donc le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran que chaque chose, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé en père et afin qu'il se rappelle. Et louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a procédé à tout cela et a manifesté ou a fait manifester sa grandeur suprême, mais aussi sa justesse. Le fait qu'il soit juste, sa justice. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui al-adl, c'est le juste. C'est lui qui est al-muqsitu, c'est-à-dire l'équitable. Allah subhanahu wa ta'ala fait toutes choses avec équité et justice. Donc, quand on parle, par exemple, pour venir justement sur le sujet, après avoir fait la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'incarnation donc de toutes les qualités morales et spirituelles, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a si bien dit, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Et certes, tu es d'une moralité éminente, tu es au-dessus de cet ensemble qui consiste aux attributs, aux moralités, aux qualités, aux valeurs les plus élevées, les plus immenses, les plus sublimes. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, donc prière et salutation sur ce prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur ses compagnons, et donc sur sa famille et sur tout l'ensemble de ses compagnons et sur toute sa communauté qui sont les croyants, les musulmans. Amen. Donc, pour venir sur le sujet, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait comprendre que en matière de servitude et que dans la religion, il n'existe nullement aucune forme de discrimination. C'est-à-dire que ni il y a aucune forme de discrimination, ni par la race, ni par l'ethnie, ni par les origines, ni par le sexe. On ne peut pas parler, par exemple, que... Bon, d'ailleurs, c'est pour cela que je vais en venir. En fait, le sujet est à la fois important, mais que pour... ce n'est important, en fait, que pour le commun. C'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent vraiment pas grand-chose de l'islam. Mais c'est un sujet qui... ne pourrait être un vrai sujet dans un environnement où l'islam est appliqué, est mis en valeur. Pourquoi? Parce que, un musulman qui a une certaine élévation ne va plus réfléchir en matière de voici les enfants, voici les grands, voici les hommes, voici les femmes, voici les blancs, voici. Les noirs, les rouges, etc. Non, il ne pense jamais comme ça. Il traite tout le monde au même pied d'égalité en tant qu'humain. Et ce sont des serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tous. C'est quand on est... malheureusement, en fait, pourquoi le sujet mérite d'être traité? Parce que malheureusement aussi, il y a dans le monde musulman, les gens n'arrivent pas et n'ont pas encore cette élévation-là ou cette compréhension-là. Ils sont là, ils parlent de c'est comme quand on parle des enfants. En fait, tout à l'heure, je le disais à mes compagnons de route, quand on parle de l'islam, il n'y a pas, par exemple, on peut parler des enfants. La place des enfants dans l'islam, comment on doit se comporter devant les enfants. Mais on ne parle pas de femmes. Pourquoi? Parce que, tout simplement, Allah subhanahu wa ta'ala a mis tout le monde au même pied d'égalité. On ne peut pas... C'est comme tout à l'heure quand on parlait. Quand on a, par exemple, une fille, quand on a un garçon, les gens te félicitent. Oui, vraiment, mashallah, tu as un enfant, vraiment, c'est un garçon, c'est bien, etc. Mais quand on a une femme, une fille, en tout cas, chez nous, par exemple, les Wolofs, on a l'habitude de dire, c'est bien, goor bakhna, jigen bakhna. C'est-à-dire que l'homme, c'est bien, un garçon, c'est bon, une fille aussi, c'est bon. En fait, c'est une parole qui montre qu'on ne les met pas tous au même pied d'égalité. Et c'est là où se trouve le problème. Voilà. Comme Allah subhanahu wa ta'ala yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukura aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Il donne à qui il veut. Des garçons, des filles. Il a commencé d'abord par les filles. Il donne à qui il veut des filles. Et il donne à qui il veut des garçons. Et il mélange pour qui il veut. Et pour qui il veut, il le lance stérile. C'est ça la réalité. Il n'y a pas de différence entre une fille ou un garçon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses premiers enfants étaient des filles. Ce n'est que bien après qu'il a eu des enfants, des garçons. Et ça montre comment Allah subhanahu wa ta'ala montre au monde entier qu'il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons. Et chez les Arabes de la période de l'ignorance prononcée, al-jahiliya, il y avait ce qu'on appelle al-wa'd, c'est-à-dire ils mettaient au monde une fille et ils l'égorgeaient, ou bien ils le tuaient. Ils la tuaient. Pourquoi? Parce que c'était une honte. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a si bien dit, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ساء ما يحكمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si toutefois, mais vous voyez, tout à l'heure j'en parlais donc à un DAS à Lyon, DAS de Tafsir, de l'exégèse du Coran, de la sourate At-Takwir. Donc dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Et le jour de la résurrection, c'est le jour où on va interroger Al-Mawouda, c'est-à-dire cette fille qui a été tuée toute petite. Bi ayyi dhanbin qutilat, et pourquoi, pour quel péché elle a été tuée, elle a été assassinée. Pourquoi donc, on a parlé de ce verset qu'on vient de citer, qui est dans la sourate Al-Nahla, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si toutefois on annonce la bonne nouvelle à quelqu'un qu'il avait une fille, vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de cela en parlant de bonne nouvelle. Mais lui, il ne le voit pas ainsi. Mais jamais il ne verra pas cette parole ainsi. Pourquoi? Parce qu'il y avait une mentalité ou une idéologie dominante. Parce que vous savez, dans chaque époque et dans chaque localité, les pouvoirs, ceux qui ont en main le pouvoir et les fortunes, imposent leur idéologie également. Donc, c'est la pensée dominante. Ils l'imposent. Celui qui a la sottise de suivre à chaque fois que les choses, c'est-à-dire penchent d'un côté ou de l'autre, en se disant que oui, c'est l'époque, c'est le pays, on est dans cet environnement-là, on doit penser comme ça, il va toujours se tromper. Il risque de se tromper. Pourquoi? Parce que les choses changent. Les choses changent et la vérité est immuable. La vérité est immuable. Elle ne change pas. Elle ne change pas de quand? Quand le dominant change, la vérité, elle, ne change pas. Elle est intacte. Et quand la classe dominante impose ses idéologies, impose sa mentalité, impose ses façons de voir, impose tout simplement ses pensées et ses idées, la classe moyenne ou le pays d'en bas, eux, sont tentés à les suivre et à ne plus jamais réfléchir. Celui qui est intelligent et doué de raison et doué d'intellect, c'est celui qui, à chaque fois, se pose, réfléchit, médite, cogite, en regardant la vérité et en essayant de le suivre. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est le Coran et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la vérité. Quand on est conforme à cela, on détient la vérité absolue. Si on n'est pas conforme à cela, mais on ne détient aucune vérité, on est dans l'erreur et dans l'égarement évident. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc quand les gens changent d'idée, les gens changent de mentalité, et donc, comme nous le disions tout à l'heure, parfois, on parle de quelqu'un des choses qu'il fait, de son comportement, d'une moralité qui n'est pas la bonne, et lui, il se permet de donner comme raison, bon, vous savez, des technologies de pointe, toi tu te permets de penser comme ça. Alors qu'il n'y a aucun lien, il n'y a aucun lien entre la moralité et la technologie de pointe. Mais aucun. En quoi la technologie et la science me permettent de dire que maintenant je ne veux plus adorer Allah? En quoi? Il n'y a pas de lien en réalité. Mais vous savez, c'est comme ça. La classe dominante essaie d'imposer sa façon de voir, essaie de montrer aux gens que oui, oui, si vous êtes intelligent, si vous êtes des intellectuels, il ne faut même pas croire à Allah ou bien il faut avoir honte d'en parler. Et c'est ce qui est arrivé aux gens de la Mecque. Dans la période de l'ignorance totale, l'anti, de la pré-islamique. Donc quand ils voyaient, quand ils avaient un enfant, une fille, il va avoir un visage assombri. Il est plein de colère. Il est vraiment en colère. Pourquoi? Parce que sa femme a enfanté d'une fille. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cela ne relève même, en fait, cela ne relève même pas d'une grande intelligence de savoir que ma maman qui m'a enfanté, c'était une fille auparavant. Si on l'a tué, je ne serais pas né. Ma femme, moi-même, qui m'a donné cet enfant-là, mais c'était une fille, c'était une femme. Mais donc, c'est normal que hommes et femmes coexistent. Yeah. C'est-à-dire que c'est la chose la plus évidente. Mais non, eux, ils disent non. En fait, ils sont en colère. Ils sont en colère. Mais vraiment en colère. Et le pire, c'est que Yatawara Minal Kaoumi Minsou Imabushirabi. Il va se cacher du peuple à cause de la mauvaise nouvelle qu'est la Russie. À chaque fois, mais, et il se pose la question Ayoum Sikuhu Allah Hounim Amyadusuhu Fitura. Mais est-ce que cette fille-là, cet enfant-là, je vais le retenir, mais avec ignominie tout le temps que j'ai honte d'avoir une fille? Ou bien, l'autre solution, c'est de l'enterrer vivant. L'enterrer vivante. C'est comme ça qu'il faisait. En fait, ne tuer pas par épée ou par pistolet ou quelque chose comme ça. Ou bien par empoisonnement. Non. Il l'enterrait vivante. Pourquoi? C'est quoi son péché? C'est elle qui est née fille. Hein? C'est elle le responsable. Hein? C'est elle qui est née fille. Hein? C'est ça. Ça montre combien, en fait, nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir en parler. Que maintenant, toutes ces formes de mentalité sont bannies. Et je pense par l'humanité tout entière, tout simplement. Je ne pense pas que jusqu'à aujourd'hui qu'il y ait des sociétés où cette pratique puisse subsister. Alhamdulillah. Et donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, donc le Coran nous a toujours parlé de femmes, de ce que des hommes, les hommes et les femmes, Allah subhanahu wa ta'ala les a toujours mis au même pied d'égalité. Il n'y a jamais eu dans le Coran un verset qui parle et qui traite des femmes seulement et pas des hommes. Ça n'existe pas. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, ce qu'il considère, c'est son serviteur. Le serviteur peut être un homme comme il peut être une femme. Maintenant, nous, quand aujourd'hui, on se dit, oui, tu sais, les femmes, il faut ceci. Non, les femmes, même dans les événements, on dit, oui, il faut remercier les femmes, etc. En fait, c'est une forme de les mépriser. En fait, c'est un mépris, en fait. Pourquoi c'est un mépris? Parce que, mais, si on parle d'égal à égal à quelqu'un, en fait, tout est naturel, tout est simple. Il n'y a aucune... Il n'y a rien de... c'est comme si on disait, oui, il faut toujours amadouiller les enfants, il faut les montrer qu'ils sont importants, les enfants aussi ils sont importants. Vous savez, un enfant, il faut... Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je ne me mets pas à sa hauteur. Le jour où je vais me mettre à sa hauteur, ben je vais le traiter tout simplement comme moi-même. Mais comme moi-même, ni plus ni moins. C'est pour ça que vous voyez le Coran, quand il parle, il met tout au même pied d'égalité. Le serviteur, c'est un serviteur. C'est Allah qui est lui, le maître, le seigneur, et tous les autres sont des serviteurs, et ça se limite là. Et que, par contre, quand on arrive dans la société, et qu'on doit régler des problèmes strictement sociétal, là, Allah subhanahu wa ta'ala parle d'hommes et de femmes. Voilà. Là, comme par exemple, quand il traite du mariage, quand le Coran nous parle du mariage, ou nous parle du divorce, là, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala va parler d'hommes et de femmes. Voilà. Du genre masculin et du genre féminin. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, parle de l'habillement, de l'accoutrement, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala va parler cette fois-ci, il dit kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazhu furujahum, etc. Et kullul mu'minat. En fait, il fait la distinction des choses. Pourquoi? Parce que la morphologie des hommes est différente de la morphologie des femmes. Mais entre les deux, il y a une complémentarité. Il n'y a pas de supériorité et ne doit ni subsister de rivalité, mais il y a une complémentarité. Vous savez, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle du Coran, dans le Coran, il nous parle de... il dit, bon, faites ceci, et il dit, par exemple, quand il parle du... dans la sourate Al-Baqara, il dit « Walahunna mithlul ladhi alayhinna bil ma'rufi walil rijali alayhinna daraja » Quand il nous parle du mariage, parce que là, on est dans une situation où Allah subhanahu wa ta'ala nous traite du mariage et nous montre comment faire les choses. Parce que le Coran, nous l'oublions jamais et il faudrait le retenir. De la même manière que le Coran est le code de l'existence de l'univers, c'est également la notice. La notice. Vous savez, quand on a un nouveau matériel, quand j'ai mon nouveau matériel, il y a un code qui me permet, de créer même le matériel en soi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute chose par le verbe. Par le verbe. Et le verbe, son verbe, sa parole qui englobe tout, c'est le Coran. Donc tout provient, tout est codé à partir du Coran. Seulement, mais ça c'est le volet ésotérique et intérieur du Coran. Cependant, le Coran est aussi la notice de cet univers et de tous ceux qui y sont. Vous savez, quand... j'achète un nouveau matériel que je ne maîtrise pas. C'est la première fois que je vois ce type de matériel. Je ne connais pas le fonctionnement, comment les choses fonctionnent. Je ne le connais pas. Qu'est-ce que je fais? Je prends la notice. Je lis. Et je mets en application tout simplement ce qui est dans la notice. Et je m'en sors. Dans le cas contraire, je vais bousiller mon matériel. C'est ainsi que l'univers est l'homme. L'homme qui est lui-même le grand univers et que cet univers-là est le petit homme. En fait, parce que tout ce qui est dans l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala l'a assujetti à l'homme. Voilà. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ comme le Coran l'a dit. Allah subhanahu wa ta'ala vous a assujetti, a mis à votre disposition tout ce qui est sur les cieux et sur la terre. Et tout provient de lui. Et donc, pour revenir sur le sujet, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous traite, parce que comme c'est la notice, le Coran, c'est la notice même de notre vie, donc on va regarder tout ce que nous vivons. On va regarder dans le Coran pour dire ce que le Coran nous ordonne, ce que le Coran nous commande ou nous recommande, ce que le Coran nous interdit, ce que le Coran nous décommande. Et on va essayer de le mettre en application. Et là, quand on parle du Coran, on parle des deux Corans. Il y a le Coran qui est le livre révélé que nous avons, et il y a le Coran ambulant, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'y a pas de différence qu'on puisse mettre entre le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que tous les deux sont le Coran. Voilà, tous les deux sont le Coran. Et là, quand on parle du Coran, là, quand on parle du Coran, durant toute cette allocution, Inch'Allah, on parle de ces deux volets du Coran. C'est-à-dire le Coran qui est écrit, qui est le livre là, qu'on lit, et le Coran qui est l'incarnation du Coran, l'homme universel, hein, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On parle de ces deux-là. Et donc, quand le Coran nous parle du mariage, parce que c'est la notice, donc notre vie, il faudrait le régir, quand on vient dans le foyer, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler de comment traiter les humains, les hommes et les femmes. Parce que s'il n'y a pas cela, s'il n'y a pas cette organisation-là, on ne pourrait pas avancer. Parce que le foyer, c'est la base de toute chose. Quand on veut détruire une société, il suffit de détruire le foyer. Quand on détruit le foyer, on détruit toute la société, tout bonnement et simplement. Dès que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, a le droit de ne pas se marier ou de se marier, parce qu'il peut faire autrement, quand tout le monde, quand il n'y a pas d'organisation dans le foyer, et toute chose qui n'a pas d'organisation est vouée à un moment donné à un éclatement. Toute chose qui n'a pas d'organisation est vouée à un moment donné à un éclatement. Une entreprise qui n'a pas d'organisation, à un moment donné, on va voir que, bon, personne ne dirige personne, personne n'a le droit sur personne, personne ne doit donner des injonctions à qui que ce soit. À un moment donné, ça ne va pas fonctionner. Et le foyer, c'est comme une entreprise. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de cela, il nous parle des droits et des devoirs. Et notons-le bien, le mariage ne se base pas sur les droits et les devoirs. Mais le mariage se base sur l'amour et la miséricorde. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Le mariage se base sur cela. Et quand on parle de droits et de devoirs, c'est quand on a un malentendu. C'est là où on revient sur les droits et les devoirs. Mais si on peut s'entendre sur une chose, et que tout le monde s'entend sur un sujet, c'est-à-dire le couple s'entend, on n'a pas besoin de recourir aux droits et aux devoirs. Parce qu'on s'entend bien. Tant que ce n'est pas illicite, bien sûr. Tant que ce n'est pas illicite. Tant que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire tant que le Coran ne nous a pas dit que ceci est illicite aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tant qu'on est dans la licéité, dans la légalité, on doit toujours penser d'abord à l'amour, l'affection et à la miséricorde. Voilà, l'affection, l'amour, la miséricorde. Et non aux droits et devoirs. Parce que si on fait du mariage aux droits et devoirs, d'ailleurs, moi je me rappelle, il y a 10 ans ou 12, oui, à peu près de cela, j'avais animé, ce genre de conférence, une conférence qui était sur le droit et les devoirs du mariage. Mais ce que j'avais remarqué, et c'est là où j'ai commencé à faire attention là-dessus, c'est que quand on parle des droits que les hommes ont, et donc qui deviennent donc des devoirs pour les femmes, on voit les hommes applaudissent parce qu'ils sont contents C'est comme si c'était, voilà, très bien. Et chacun regarde sa femme en lui disant, tu as entendu. Et quand on parle des femmes aussi, les droits des femmes, on voit que c'est le tour maintenant des femmes et les hommes sont calmes. Chacun se sent visé. Et que les femmes applaudissent et regardent leurs hommes pour dire que oui, voilà, vous avez vu. Et il y a même certains qui sont venus me féliciter pour me dire que, bon, certaines, plus certaines, qui sont venues me féliciter parce que j'ai dénoncé les manquements de son mari. Alors que les choses ne doivent pas se passer comme ça. En fait, cela doit être une complémentarité, tout simplement. Et se baser sur l'amour, l'affection et la miséricorde. Maintenant, effectivement, quand il y a un malentendu, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. » Elles ont. Elles ont à leur profit tout ce qui les incombe comme devoir. Mais de manière convenable. C'est-à-dire qu'il faudrait aussi toujours revenir sur l'actualité, sur l'environnement dans lequel on vit, sur les temps dans lesquels on vit, sur aussi les contraintes de la localité dans laquelle on vit. C'est pour ça que je dis toujours à la fin, bil ma'ruf, de manière convenable. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit clairement que les femmes ont des devoirs. Certes, dans le foyer conjugal, dans le foyer, les femmes ont un devoir, ont des devoirs plutôt. Mais leurs devoirs sont exactement égaux à leurs droits. Voilà, elles ont comme droit mithlu, ce qui est semblable à alladhi, ce dont alayhinna, c'est ce qui alayhinna les incombe comme devoir, elles aussi. Bil ma'ruf, de manière convenable. Voilà. Si la femme doit respecter son mari, ça c'est un devoir. Elle aussi, elle a le droit du respect. Oui. Ainsi de suite. Mais il dit une chose. Allah subhanahu wa ta'ala rajoute dans ce verset-là une parole. Walir rijali alayhinna daraja. Et les hommes ont sur eux un degré. Donc, un degré. Et ce degré-là, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Quand il dit Al-Rijalu qawwamuna ala nisa'i bima faddala Allah ba'dhum ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Les hommes qawwamuna. En fait, qawwamuna, c'est le pluriel de qawwam. Et qawwam, c'est l'extrapolation ou l'exagération de Qa'im. Qa'im, c'est celui qui subsiste, qui gère. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Dans ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les hommes sont ceux qui doivent gérer, qui doivent faire subsister les besoins des femmes. Pourquoi? Il dit parce que bima faddala Allah ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. À cause du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé les uns sur les autres. Parce que et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le Coran, a mis à relief une chose qui est extrêmement importante, c'est-à-dire et qui est le fait que, de manière générale, dans les sociétés, ce sont les hommes qui disposent du pouvoir. Et de manière générale, ce sont les hommes aussi, et c'est une généralité, voilà, ce sont les hommes qui ont plus de fortune. Et ce sont les hommes qui, de manière générale aussi, ont plus la capacité d'avoir des ressources viables. Et donc, par conséquent, ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a favorisé les uns sur les autres. Mais il n'a pas dit « bifadlihim alayhinna ». Vous voyez que le Coran n'a pas dit « bifadlihim alayhinna » parce qu'ils sont meilleurs qu'eux. Il n'a pas dit cela. Il a dit tout simplement parce qu'il y a une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait les uns sur les autres. Et ça, c'est important. Bon, l'homme et la femme dans la société ou dans le foyer, bon, dans la société même, sont semblables au père de chaussures. On ne peut pas dire que le pied, voilà, la chaussure gauche est meilleure que la chaussure droite, ou la chaussure droite est meilleure que la chaussure gauche. Dès qu'on commence à penser, à avoir cette forme de cette mentalité-là, les choses vont se gâcher. Non, en fait, on a besoin de tous les deux, de la paire, de toute la paire de chaussures pour pouvoir marcher convenablement. Voilà. C'est comme ça. Maintenant, vous savez, quand par exemple on loue une voiture, bon, on doit quitter Grenoble pour aller à Lyon. On loue une voiture. On est 5, donc en 5 places. Si chacun se dit que, bon, moi, comme j'ai participé pour louer la voiture, ce qu'on va faire, moi, je vais tenir le volant. L'autre dit, comme moi, j'ai participé, moi, c'est moi qui gère mes frères. L'autre dit, comme moi, j'ai participé, c'est moi qui va gérer le gars-là qu'on fait comme ça. Voilà. Voilà. Chacun dit que moi, je vais gérer une partie parce que j'ai participé. Voilà. Mais vous savez qu'est-ce qu'on risque ? À la sortie, là, dès le premier virage, on risque de voir la voiture faire un tournoi comme ça, tourner et voilà, causer un grave accident. Mais c'est pareil. Dans le foyer, c'est pareil. On est tous égaux, mais pour des questions d'organisation de la société, c'est l'homme qui est le chef de la famille. C'est tout. Pour des questions d'organisation, même si nous tous, on peut conduire, mais il faudrait qu'on donne à quelqu'un qu'il conduise, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il ne faudrait pas chercher plus loin que cela. Vous savez, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de manière pondérante sur les femmes et sur certaines formes de femmes. Et qu'il nous a aussi parlé, et on va en revenir, Inch'Allah, et il nous a aussi parlé des femmes qui sont semblables aux hommes. Quand il dit « Innal muslimina wal muslimat »« Wal mu'minina wal mu'minat » والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Dans ce verset, mais c'est un verset extraordinaire. Allah subhanahu wa ta'ala, les femmes se sont posé la question. Nous voyons dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, toujours, il conjugue au masculin. Même si c'est au pluriel ou au singulier, il conjugue au masculin. Quand il parle de manière générale, mais qu'est-ce que cela veut dire? D'ailleurs, c'est Oumou Salama radiallahu anha avait dit une chose pareille à une femme. Quand il lui dit, le professeur Salama dit, ya ayyuhan nas, oh vous les humains, il dit, oui, et lui, écoute, c'est le professeur Salama parle. Il dit, non, mais non, il a dit, les hommes, il parle des femmes, les gens. Il dit, les hommes. Il lui dit, mais non, s'il voulait parler des hommes, il allait dire, ya ayyuhan rijal, oh vous les hommes. Au masculin, c'est comme on dit, le petit H. Mais là, il a dit les hommes avec le grand H. C'est-à-dire l'humanité. Donc, quand il voit cela, Allah subhanahu wa ta'ala, pour leur faire comprendre que tout ce dont on parle des hommes, Allah subhanahu wa ta'ala en a parlé exactement aux femmes. Mais il n'y a pas d'inégalité là-dessus. Il dit... Certes, ceux qui sont soumis et celles qui sont soumises. Donc, musulmans et musulmanes. Al-muslimina ou al-muslimat. Les croyants et les croyantes. Les sincères parmi les hommes et les sincères parmi les femmes. Les humbles parmi les hommes et les humbles parmi les femmes. Ceux qui donnent de l'aumône parmi les hommes et celles qui donnent de l'aumône aussi. Celles qui sont des. C'est-à-dire ceux qui sont. Les patients, ceux qui supportent les endurants et les endurantes, celles qui supportent les patientes. Celles qui jeûnent. Les chastes parmi les hommes et les chastes parmi les femmes. Les zikreurs parmi les hommes, c'est bon, ceux qui font beaucoup de zikres de manière abondante, donc les zikreurs parmi les hommes et les zikreurs parmi les femmes. Allah subhanahu wa ta'ala les a promis la rédemption, le pardon et une récompense énorme. Vous voyez là, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en valeur beaucoup de catégories de sainteté, beaucoup de catégories d'actes méritoires. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en nous parlant de tout ceci, nous a parlé de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc cela rejoint tout ce qu'on vous avait dit depuis tout à l'heure, qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a pas lieu de se questionner sur, oui, vous savez, il faut faire comprendre que, en fait, que l'islam donne de l'importance aux femmes. Que vraiment la femme c'est une créature noble, tout ça, on n'a pas besoin de tout cela. C'est l'être humain qui est comme ça, qu'on soit homme ou femme. En fait, on n'a pas besoin, quand on a devant quelqu'un, vous savez, ça c'est l'esprit, mais c'est l'esprit de quelqu'un qui est coranique. Quand on est coranique, c'est-à-dire que qu'on est que le Coran est au centre de notre vie, c'est notre centre d'intérêt, on vit comme ça. C'est-à-dire, quand on a devant une personne devant soi, on ne distingue plus si c'est un homme, si c'est une femme. On les traite avec justice, avec équité. Si l'homme fait une faute, la loi est là pour lui. Ou contre lui. Et si la femme aussi fait une faute? Si l'homme a raison, la loi est là pour lui. Et c'est pareil pour la femme aussi. Il y a une égalité, mais parfaite. Et en fait, le simple fait de se questionner là-dessus, en fait, c'est une forme, c'est un signe de non-aboutissement dans notre cheminement spirituel. Parce que quand on arrive au bout, quand on a un aboutissement dans notre cheminement spirituel, on n'a plus cette distinction-là. On considère tout le monde au même pied d'égalité. On n'a plus de discrimination qui relève de la race, de l'ethnie, de la localité, des origines, du sexe, etc. Quand on a une personne devant nous, c'est un être humain. Ni plus, ni moins. C'est un être humain. Et après, ce sont ses valeurs ou ses défauts qui font qu'on l'estime plus ou un peu moins. Mais c'est un être humain, tout simplement. Ni plus, ni moins. On ne regarde pas l'apparence. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que dans ce monde, il a mis des hijab, c'est des voiles, afin qu'on n'accède pas si facilement à lui. En fait, pour accéder à Allah subhanahu wa ta'ala, il faudrait donc enlever tous ces voiles-là, afin de le voir avec l'œil du cœur, avec la clairvoyance, et de le contempler, de le témoigner. Et la première phase, c'est le monde là qu'on appelle le monde de la coloration. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a coloré tout le monde d'aspects différents. Il a fait que certains sont des hommes, d'autres sont des femmes. Certains sont des Arabes, d'autres sont des Occidentaux, Européens, et d'autres sont des Chinois, d'autres sont des Noirs. Parfois même Africains ou Américains. Il y a une petite différence. Une petite. Eux-mêmes Indiens. Allah Sandra a fait que tout le monde ne parle pas la même langue. Il a diversifié les langues. Allah subhanahu wa a fait que les gens n'ont pas la même culture, n'ont pas les mêmes traditions, n'ont pas les mêmes origines et n'ont pas les mêmes métiers qu'ils exercent. Donc tout cela consiste à une coloration. Allah subhanahu wa colore l'être humain de plusieurs de ses aspects extérieurs. Ce sont des aspects extérieurs. On n'est pas encore arrivé à l'intérieur. Mais quand on est loin dans le cheminement spirituel, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore franchi plusieurs étapes, dès qu'on voit une personne, on se limite à ces aspects extérieurs-là. Ça montre qu'on est vraiment voilé. On est vraiment voilé. On bute automatiquement à ces aspects extérieurs-là. Mais quand on évolue, on commence à avoir le cœur pur, on ne voit que un serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On respecte quelqu'un, on respecte toutes choses pour celui qui les a créées. Et à travers toutes choses, on voit les manifestations d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par ses beaux noms et ses attributs les plus élevés. On ne voit plus. C'est un noir. Il ne parle même pas bien le français, lui. Automatiquement, on voit qu'il ne parle même pas bien le français, lui. Et on commence à rigoler de lui, de l'intérieur. Il n'est même pas. Qu'est-ce qu'il a appris, lui? Qu'est-ce qu'il a. En fait, on juge les gens à travers cela. On a un mépris, on a un orgueil. Alors que cela, c'était le plus grand défaut, le vice de Iblis. Parce que Satan, c'est ce qu'il a perdu. Quand il a vu Seyyidina Adam alayhi salam, lui, il pense qu'il doit être meilleur. Pourquoi? Parce que lui, il a créé, il a été créé à partir du feu. Et que notre ancêtre, Adam alayhi salam, a été créé à partir de l'argile. Et selon lui, le feu est meilleur que l'argile quand même. Quand même. Et automatiquement, lui-même doit être meilleur. Mais en quoi le feu est meilleur que l'argile? En quoi? En quoi? Parce que lui, il ne voyait que l'aspect extérieur. La coloration là, cette coloration là. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Sibratallah wa man ahsanu minallah sibratan liqawmi yu'minun. Voilà, maintenant il faut arrêter toutes ces colorations là et retourner à la coloration d'Allah, c'est-à-dire l'intérieur de l'être humain. Mais qui a la meilleure coloration que Allah? Mais pour les gens qui ont cru véritablement, ceux qui sont des véritables croyants, eux essaient de parfaire leur intérieur par des actes et des comportements et des vertus extérieures aussi. On ne peut pas dire que oui, moi, l'essentiel c'est l'intérieur, vous savez, il faut embellir l'intérieur, ce qui est plus important c'est l'intérieur. Et l'extérieur, tout est mauvais, ce n'est même pas raisonnable. Donc pour revenir là-dessus, dans toutes ces formes, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des hommes, des femmes, mais dans un aspect plus général, plus dans un aspect non seulement général, mais aussi il nous montre que l'homme et la femme sont égaux. Mais ils ne sont pas identiques. Ils sont égaux, mais ils ne sont pas identiques. Au moment qu'ils ne sont pas identiques, il y a des différences. Quand on vient maintenant dans le monde, dans la société, il faudrait les différencier. Et il y a des lois qui vont concerner les femmes, mais ne vont pas concerner les hommes. Par exemple, le port du voile concerne les femmes, mais ne concerne pas les hommes. Pourquoi? Parce que c'est la morphologie de l'homme et de la femme qui sont différentes. C'est la morphologie qui sont différentes. Par exemple, le fait de ne pas, vous voyez, le fait de ne pas raser la barbe, par exemple, cela concerne les hommes, mais cela ne concerne pas les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes n'ont pas cette morphologie-là, cela ne les concerne pas. Rien que, on parle de là, on parle que rien que de l'aspect extérieur. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais demander aux hommes d'observer les règles qui sont qui sont relatives aux menstrues, par exemple. Pourquoi? Parce que les hommes ne voient pas de menstrues. C'est aussi simple que ça. À part, bien sûr, ce qui concerne leur relation avec leur femme en période de menstrues. Sinon, on ne va pas les demander, on va rien les demander là-dessus. Mais c'est pareil, il y a des choses qui concernent les hommes, il y a d'autres choses qui concernent les femmes. Ça, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette différence-là et qu'ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires. L'homme et la femme sont complémentaires. Voilà. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de... C'est là où on va essayer de finir parce que apparemment, là, voilà. On aura un peu de... Il y a des femmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé comme un bien, comme un mal dans le Coran. Comme chez les hommes aussi. Il a parlé du prophète Mohammed, il a parlé des prophètes, alayhi wa sallam, mais il a parlé de Pharaon aussi. Il a parlé, etc. Le Coran nous a parlé de Sayyidat Maryam, de Sayyidat Asiya. Donc, par insinuation, Sayyidat Asiya, il nous a parlé aussi de femmes, mais de femmes vertueuses, de femmes rois, reines, donc reines. Et qui est devenue une princesse et donc une vertueuse quand elle dit aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin, donc je me soumets avec Sayyidina Sulayman alayhi salam, hein? Mais au Seigneur du monde. Donc c'était une reine qui avait toutes les fortunes, etc. Et qui est devenue musulmane, c'est-à-dire qui s'est soumise avec le prophète Sulayman alayhi salam. Donc il nous a parlé donc de Sayyidat Maryam alayhi salam, surtout elle, et il en a beaucoup parlé dans le Coran. Et que cette femme-là, elle est juste exceptionnelle. génial, formidable. Allah subhanahu wa ta'ala l'a doté donc de plusieurs vertus spirituelles et morales. Et Sayyidat Maryam alayha salam, Allah nous a même parlé de sa maman, Imra'at Imran, la femme de Sayyidina Imran alayhi salam. La femme de Sayyidina Imran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle dans le Coran de cette femme, elle a dit Rabbi inni ja'altu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul 'alim. Oh mon Seigneur, elle s'appelle Hanna. Alayhi salam. Oh mon Seigneur, moi je te donne ce qui est dans mon ventre là, c'est-à-dire cet enfant. Et je te le donne muharraran, c'est-à-dire qui est libre, pur, de toute chose à part toi. Je te le donne, mais complètement. Je te le confie. Je te le donne entièrement. Donc accepte-le pour moi. Fataqabbal minni. Accepte. Exauce cela pour moi, ce vœu-là. Certes, toi, tu es l'entendant et le savantissime. Et quand il dit Falamma wada'atha untha, qalat, Rabbi inni wada'atuha untha, wallahu a'lamu bima wada'at, wa laysa dhakaru kal untha, wa inni sammaytuha Maryam, wa inni ma'idhuha bika, wa dhurriyataha. Et Allah dit quoi? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya. Kullama dakhalat alayha zakariya mihraba wajadat indaha rizqa. Qalat anna lak hadha, qalat hiya min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Et huna alika da'a zakariya rabbi. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الله. Vous savez, quand cette femme-là, formidable, Sayyidat Hanna, alayhi salam, avait dit cela, c'est-à-dire, elle était sincère. Non, mon Seigneur, cet enfant-là, je veux que vraiment qu'il soit à l'œuvre de que pour toi. Que pour toi. Mais, quand l'enfant est né, c'était un être, c'était une femme, c'était une fille. Elle dit à mon Seigneur, bon, d'habitude, vous savez, ce sont les hommes qui étaient voués au lieu de culte, qui sont là-bas, etc. Les femmes n'ont pas vocation à être dans ces milieux-là, tout le temps. Mais elle a dit, mais je l'ai enfantée et c'est une fille. Allah, par contre, c'est lui qui sait ce qu'il a enfanté, mais aussi pourquoi elle l'a enfanté. Et Allah dit, et le garçon n'est pas comme la fille. C'est extraordinaire ce verset-là. Allah n'a pas dit, vous savez, le garçon et la fille ne sont pas pareils. Il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit que la fille ne ressemble pas au garçon. Mais il a dit le garçon ne ressemble pas à la fille. Voilà, il s'en zakar comme ça. En fait, c'est comme si, et on en a parlé, quand Allah Santa l'a montré comme ceux à qui il avait donné des enfants, il avait commencé en disant Yahabu liman yasha ou inatha. Il donne à qui il veut. Défi. Après, il a parlé à qui il veut aussi, il va lui donner des garçons. Et il va mélanger pour qui il veut. Le fait que Allah parle d'abord de la fille, c'est extraordinaire. Parce que vous savez, une fille, l'éducation d'une fille, quand le parent est un bon éducateur, est plus simple que l'éducation d'un garçon. Souvent, les garçons ont beaucoup de caractère ils sont tentés à avoir une délinquance juvénile qui n'est pas facile à maîtriser. Et la fille a une, c'est-à-dire une forme de compassion et de douceur, voilà, qui ne se retrouve pas chez le garçon. Mais elle est dit, oui, il n'y a pas de Mariam. Moi, je la nomme Mariam. Oui, il n'y a pas de Mariam. Et moi, je lui ai, je demande refuge auprès de toi. Et pour elle, mais aussi pour toute sa descendance, contre le Satan maudit, le lapidé. Et par la baraka, par la bénédiction de cette invocation-là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que cette lignée-là n'a pas de péché. Cette lignée-là n'a pas de péché. Il y a Sayyidat Mariam, et après il y a Sayyidat Naïssa, alayhi salam. Ils sont éloignés. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chacun, quand il naît, le nouveau-né, il y a Satan qui vient, qui lui donne un coup de pied. Il va crier, le nouveau-né. Il l'a fait à tout le monde sauf à Sayyid Naïssa. Alayhi salam. Pourquoi? C'est la baraka de l'invocation de sa grand-mère. Et cette baraka donc est tombée sur cette femme formidable qui est la seule qui Allah subhanahu wa ta'ala a nommée. Et vous savez, cette femme-là, elle est la réversible féminine du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa réalité. C'est le nom Mariam alayhi wa sallam. Et vous savez, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité elle seule. Elle seule. Ceux qui s'y connaissent dans la numérologie savent que Muhammad, le nom, sallallahu alayhi wa sallam, c'est 92. Et que Mariam, c'est 290. Et 290, c'est le miroir. C'est-à-dire, si on reprend de 290, donc il y a le 0, le 9 et le 2. C'est le son miroir. C'est le 92. Voilà. Donc c'est son reflet, la réversible, mais dans la spiritualité. C'est pour ça que le Coran nous parle beaucoup de cette femme. Et c'est la seule femme dont le nom est cité dans le Saint-Coran. Toutes les autres, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Imra'ata Imran, par exemple. Elle nous a dit Ummu Moussa, la maman de Sayyidina Moussa. Ah, c'est ça. Wa qulna li ukhtihi qussihi. Donc sa sœur, il a parlé de la sœur de Sayyidina Moussa. Ah, c'est ça. Il a parlé de Imra'atul Azizi, la femme du roi. Sayyidina Yusuf. À l'époque de Sayyidina Yusuf, il nous a parlé de Imra at Firauna, la femme de Firauna. Voilà. Il nous a parlé de Imra at Huqa et Matan. Quand il nous parle de Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Sarah. Le Coran nous a parlé donc de plusieurs femmes. Quand il parle de Sayyidina Zakaria, Wamra Ati Akir, donc il a parlé de son épouse. Mais la seule femme dont le nom est nommé, mais clairement dans le Coran, c'est Sayyidat Mariam, alayhi salam. Et elle a le nom d'une surat Mariam. Et dans sa surat, le début de la surat nous parle des phonèmes Kaf, Ha, Ya, Aïn, Fat, qui est le nom suprême du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui englobe ses noms, tout l'ensemble de ses noms, qui rapporte au domaine exotérique et au domaine ésotérique. Et c'est venu au début de la sourate Mariam, ça infinit beaucoup de choses. Et le nombre de fois que le nom Ar-Rahman, le tout miséricordieux, est venu dans le Coran, n'a jamais été venu, n'a jamais été apporté dans aucune sourate comme cela l'a été dans cette sourate-là. Et cela aussi montre combien elle incarne aussi la miséricorde. Et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui? C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme il l'a dit, innama ana rahmatul muhda, moi je ne suis que une miséricorde qui vous est donnée comme cadeau. C'est la miséricorde. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Donc si on voit que, donc c'est-à-dire que nous ne t'avons envoyé qu'un guise de miséricorde pour l'ensemble des mondes. Qu'en étant miséricorde pour l'ensemble des mondes. Cela montre combien Allah subhanahu wa ta'ala, combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam est cette miséricorde-là, mais aussi que combien Sayyidat Maryam alayhi wa sallam est aussi son réversible. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand on regarde dans le Coran, il nous parle de cette femme formidable. Il y a deux choses qu'il met en relief. Il y a la première chose quand il dit, ya Maryam, inna Allah astafak wa taharak. وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. Il met en relief cet aspect-là. Oh Maryam, alayhi salam. Certes Allah, ce sont les anges qui le lui ont dit. Donc elle voyait les anges et les anges lui parlaient. Ce qui montre qu'on peut ne pas être un prophète et voir les anges et les anges nous parler. Et dit, les anges lui disent, oh Maryam, alayhi salam. Oh Maryam, alayhi salam. Certes, Allah t'a élu, Stafa. Il t'a purifié jusqu'à ce que tu sois pur et éthéré. Wa Stafa ki ala nisa al alamin. Et Allah t'a élu au-dessus des femmes des univers. Oh Maryam, ya Maryam. Et vous voyez, comme Allah t'a élu, c'est comme il a dit aux femmes du prophète Sassam, ya Nisa al-Nabi, lastunaka ahadim minan Nisa ini taqaytun. Et on va en parler tout à l'heure, Inch'Allah. Ce qu'il a mis en valeur là, en parlant de Sayyidat Maryam, alayhi salam, lui a dit, oh Sayyidat Maryam, certes Allah, subhanahu wa ta'ala, comme il t'a élu, t'a préféré, au-dessus de toutes les femmes de l'univers, hein, donc, tu ne dois pas ressembler aux autres. C'est ça ce que cela implique, l'élection. Parce que la sainteté, c'est une élection, mais c'est une sélection. Mais qui relève et qui relève du pouvoir discrétionnel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui le fait pour qui il veut. Mais il y a, comme c'est une élection, donc c'est une. C'est un honneur, mais aussi c'est une responsabilité. Il y a aussi taklif. Voilà. Quand on élit le président de la République, cette élection-là, c'est certes un honneur. C'est pour ça qu'il va être content, lui et ses partisans. Mais c'est une responsabilité lourde. Et c'est pareil pour la sainteté. Donc toi, Maryam, comme toi, tu ne ressembles pas aux autres, maintenant je vais te demander ce que je ne demande pas aux autres. Okunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a rak'in. Voilà. Ce volet-là. Mets-toi devant ton Seigneur tout le temps. Tu te soumets à lui. Et prosterne-toi. Et là, quand on parle de la prosternation, il y a non seulement la prosternation des membres, mais il y a aussi la prosternation du cœur. Et quand le cœur se prosterne, il ne se relève jamais, plus jamais. Et comment le cœur se prosterne? C'est en se stabilisant que dans de bonnes choses, que dans des vertus, que dans ce que Allah aime. Et maintenant, incline-toi avec tous ceux qui s'inclinent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on a vu ce volet-là. Donc, cette élection-là, ce qui le met en valeur, ce qui le montre, c'est qu'il est là, elle est là, en tant qu'adoratrice d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui voue un culte inconditionnel et indéfectible envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est exactement cela qui implique cette élection et cette sélection. Et c'est ça, si une femme veut être parmi les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, les sélectionner, les purifier, les éclairer, mais elle peut. Mais qu'elle se conforme à cela. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a mis en exergue une autre valeur de Sayyidat Maryam alayhi salam. Elle a dit, le Coran dit, nous dit, Wallati ahsanat farjaha. فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إذن زنوت بسيدي ومريم ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين واسي مريم عليه السلام كي لا في دو عمران عليه السلام إلا إن كانتي c'est qu'elle est restée chaste. Elle est restée chaste. Cette chasteté-là, c'est l'une des qualités les plus impressionnantes d'une femme. Quand elle est vertueuse, elle est chaste, elle s'habille bien, elle ne montre pas ses parures devant tout le monde, elle ne se laisse pas faire. Elle montre que elle est pieuse, elle est vertueuse. Elle n'est pas comme toutes les autres. Quand on est une femme vertueuse, il faudrait savoir que on ne peut pas ressembler à toutes les autres. Et c'est quoi le résultat? Le résultat final, c'était quoi? Il dit, nous avons insufflé sur elle notre esprit. C'est dans Isa, alayhi salam. Donc, un des plus grands miracles de l'univers, c'est pour ça qu'Allah, et nous avons fait d'elle et de son, et de sa fille, de son fils, des merveilles, des prodiges dans l'univers. C'est dans Isa, c'est ça. Mais on est une femme, on va avoir un enfant, parce que toutes les femmes aspirent à cette maternité-là, d'être mère d'un enfant vertueux, et qui est un prodige dans les univers. Mais le chemin est tracé. Le chemin est là. Hein? Toutes les femmes peuvent y prétendre. Toutes peuvent y prétendre. Il faudrait qu'elles respectent cela. C'est pour ça Allah, c'est-à-dire que c'est cette sainteté, cette chasteté. Cette chasteté. Comme le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant de Sayyidat Fatima alayhi wa sallam, radiyallahu anha, sa fille, en disant que inna Fatima ahsana farjaha fa harrama Allah dhurriyyataha 'ala an-nar. Fatima radiyallahu anha a maintenu sa chasteté. Et par conséquent, Allah a rendu illicite à l'enfer à elle, mais aussi à sa descendance. Donc, on voit que tous ceux qui essaient de dire que oui, la femme, il faut se libérer, il faut faire ceci, il faut montrer ses atouts, il faut tout cela. En fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que elles vont passer à côté de cette forme de maternité-là. C'est là où se trouve le problème. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit « Ya Nisa al-Nabi, oh vous les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam », elle a parlé donc des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi de toutes les femmes de cette communauté qui sont en fait des femmes qui sont affiliées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « Lastunna ka ahadin minan nisa'i inittaqaytunna ». vous ne ressemblez à aucune autre femme. Mais bien sûr, si vous restez pieuse, c'est la condition. Si vous êtes pieuse et munie d'une crainte révérentielle. Donc, si vous avez cela, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. N'adoucissez pas vos propos, votre langage. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. Car cela va engendrer un bonheur, un plaisir dans le cœur de celui qui est, dont le cœur est malade. Et vous savez, ça, c'est la recommandation coranique que malheureusement, si j'ose dire, l'écrasante majorité, voire la presque totalité, voilà, la presque totalité de nos femmes ne respectent pas. Et ce que je dis là, tous ceux qui vivent avec les femmes le comprennent. Dès qu'il y a un intrus, quelqu'un qui n'habite pas dans les environs, en fait, qui n'habite pas dans la maison, dès qu'il y a un intrus, le timbre de voix change. En fait, elles le font maintenant de manière inconsciente, même tellement qu'elles en ont l'habitude dès le début, dès l'enfance, en fait. Et ça, c'est une réalité qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc, il ne faut pas faire cela. Il ne faut pas le faire. Parce que vous, les femmes, de manière générale, elles sont comme ça. Vous ne devrez pas être comme ça. Vous êtes affilié à la meilleure des créatures. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas. Et donc, prononcez-vous. Dites, quand vous parlez, parler de manière convenable. Donc, on voit que la prise de parole, et ça, c'est une chose que beaucoup pensent défendre la religion en disant que la prise de parole pour une femme, c'est interdit, c'est illicite, etc. Mais non, c'est pas illicite. Allah même a dit et parler de manière convenable. Combien de femmes ont été des enseignantes? Aussi bien à l'époque des compagnons, radiallahu, mais aussi dans leur postériorité. Nous le voyons souvent dans le Sahih de l'Imam al-Bukhari. On voit des femmes Amra, comme on voit de la femme Ulayya. D'ailleurs, son fils Ismaïl ibn Ibrahim, il est plus connu d'Ismaïl ibn Ulayya. Ismaïl, le fils de Ulayya, lui-même, il n'aimait pas cela. Parce que c'est ça, sa maman Ulayya qui était la professeure de grands savants de Basra. Et ils venaient apprendre chez elle. Donc le fils, quand il est né, il est plus connu par sa maman que par son papa. Et quand on regarde les Fahras, c'est-à-dire où Mashkiha, donc c'est des livres où on répertorie les chaînes de transmission, les chaînes initiatiques, etc. Que un maître l'écrit pour quand il donne ijaza aussi à ses disciples, etc. Pour qu'il s'y réfère. Quand on les regarde, on voit des noms des femmes dedans, etc. Par exemple, quand on regarde celui de Hafiz Mahajar, rahimahullah, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Mariam, d'autres qui s'appellent Fatima, d'autres qui s'appellent Khadija, etc. Et lui, il dit, par exemple, celle-là qui s'appelait Mariam, j'ai appris de lui 800 livres, etc. En fait, c'est une possibilité. Pourquoi on dit que, là, mais comment il va apprendre de cette femme-là, alors que cette femme ne parle pas? en plus, de toute façon, c'est une évidence que c'est impossible d'interdire aux femmes de prendre la parole. Ça, c'est... D'ailleurs, rien que, en fait, si ça, c'était la loi, si que la femme ne devrait pas parler, si c'était la loi, on suppose, ce serait une loi qui est impossible de mettre en application. Parce que partout où on va, il faut que quand même, il y a des hommes et des femmes. Et la femme parle. Combien de fois dans les hadiths, on nous parle de femmes qui sont venues voir le prophète Hassan le questionner sur tel ou tel sujet? Il y a combien? Quand ça met Allah au Kaoul le titre de Hadi Lukaan, Zawjiha wa tashtaki ilallah, Wallahu yasma'u tahawulakuma. Hein? C'est cette femme-là. Il y a quand le prophète Hassan dit, oh vous les femmes, il faut faire beaucoup de istighfar, de demander beaucoup pardon à Allah, faire beaucoup de astaghfirullah et donner de l'aumône quand même beaucoup. Dès que vous avez la possibilité de donner de l'aumône, faites-le. Parce que j'ai vu que quand même vous étiez le plus nombreux en enfer. Parmi les pensionnaires de l'enfer, vous étiez les plus nombreux. Pourquoi? Mais les femmes ont dit, mais pourquoi? Ouais. Ils ont questionné. Le compagnon qui l'a rapporté, ou les compagnons, parce qu'il y a plusieurs compagnons qui ont rapporté ce hadith-là, mais ils l'ont entendu où? Et on voyait les femmes qui commençaient à enlever leur chaîne, leur boucle d'oreille, donner. Et c'est Sayyidina Bilal, radiallahu anhu, qui les recueillait sur un tissu. Pas main en main, hein, sur le tissu. Voilà. Mais ça montre que les femmes, quand même, parlent. À l'époque du professeur Azam, il parlait, il prenait la parole. Et ce verset est clair là-dessus. Parlez, mais de manière convenable. Et il dit, « Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrakna tabarrutal jahiliyati l'oula. Wa aqimna salata wa aqimna zakata wa aqimna Allah wa rasulah. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Restez dans vos foyers. C'est-à-dire que ne soyez pas des femmes qui circulent partout où on les voit. Qu'est-ce que cela signifie? Restez dans vos foyers. Il dit voilà, ta parole vient de parler de la jahilité ou là. C'est de ne pas s'adonner à l'exhibitionnisme. D'autant de l'ignorance exagérée de la période pré-islamique. C'est ça le tabarout. Tabarout, c'est l'exhibitionnisme. Et il y a plusieurs degrés d'exhibitionnisme. Voilà. Il y a la façon la plus exagérée. Aujourd'hui, quand on parle d'exhibitionnisme, on parle de cette façon-là. Mais en fait, l'exhibitionnisme ne se limite pas à cela. L'exhibitionnisme, c'est toute forme de... Vous voyez, il faut voilà, mettre beaucoup de produits sur le visage. Voilà, le maquillage. voilà, porter des habits avec beaucoup de parures, etc. Comme Allah a dit, « Wala yadribna bi arjulihinna » Et qu'elle ne frappe pas leurs pieds en marchant, afin qu'on puisse savoir ce qu'elles ont dissimulé comme parure, comme ornement. Vous avez vu? Il faut pas s'adonner à ces pratiques-là. Ça, on le laisse à celles qui n'ont rien à voir avec le prophète, qui ne veulent pas s'affilier à lui. Voilà. Et donc, accomplissez l'office de la prière, wa atina salata, wa atina zakat. Abonnez-vous à la zakat, à l'aumône légale. Ça aussi, ça montre que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de celle qui donne l'aumône, beaucoup, nous parle de celle qui donne la zakat. Le professeur Salam demande aux femmes de donner beaucoup de l'aumône. Cela veut dire que la femme a une fortune. Et donc, elle peut aller chercher cette fortune-là Mais bien sûr, tant que cela n'impacte pas le foyer conjugal. Parce que sinon, elle va trouver où la fortune là, avec laquelle elle va donner la zakat, elle va le trouver où? Parce que si c'est le bien de son mari, ce n'est pas son bien. C'est le bien de son mari. C'est la fortune de son mari. Donc elle ne va pas donner la zakat là-dessus. Elle va donner la zakat de sa fortune à elle. Donc elle doit, pour en avoir, il faudrait l'acquérir. Voilà. Donc il faudrait qu'on sache que dans la société, les hommes et les femmes sont une parfaite égalité. Sauf que, parce que tout simplement pour des raisons organisationnelles, il faudrait quand même tenir en compte certaines spécificités. Voilà, c'est tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, je vous demande, et suivez Allah et son prophète. Obéissez Allah et son prophète. Salam. Et il dit, il parle des femmes, hein, il dit, Allah n'aime que vous débarrasser. Que vous débarrasser de sur, oh vous, les gens de la maison du prophète. Salam. Et il veut vous purifier d'une purification accomplie. Voilà. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé aussi des femmes, de la bayatul nisa, comme quand il dit dans la sourate Al-Mumtahanah, Ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka al-mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yushrika billahi shay'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la yatina bi-fahishatin bayna aydihinna wa aydihinna wa arjulihinna wa la ya'tinaka fi ma huwa bayyi'un wa astaghfir lahum Allah. Vous savez ces caractéristiques là comme nous l'avions vu ici bien précisé, bon, je vais en parler en deux minutes et après on finit, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cela. Il nous dit, au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si les femmes viennent à toi et te demandent et te prêtent allégeance, elles te prêtent allégeance sur le fait que. Qu'elles ne vont pas s'adonner à l'associationnisme. Jamais. L'associationnisme à Allah. N'associera à Allah, quoi que ce soit. Voilà, elles ne vont pas voler. Le vol. Voilà, elles ne vont pas faire de fornication ni l'adultère. Et ça, par contre, quand Hind l'a entendu, elle a dit, mais ça, une femme libre peut le faire. Vous voyez les mentalités, comment elles ont évolué. Mais négativement. À l'époque, une femme, parce qu'elle est libre, elle dit non, je ne vais jamais faire la fornication, je ne vais jamais faire l'adultère, parce que je suis une femme libre. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Je suis une femme libre. Je peux m'adonner à tout cela. Vous savez, dans le port du voile n'est pas obligatoire aux esclaves femmes. Elle n'est imposée qu'aux femmes libres. Le port du voile. Vous voyez la mentalité, excusez-moi, d'esclaves que nous avons maintenant. Qu'Allah nous préserve. Il dit, donc, ne vole pas. Donc, ne fasse pas de fornication ni d'adultère. Et qu'elle ne tue pas leurs propres enfants. Et ça, elle dit, mais ça, c'est des fous qu'elle font. Mais bon, il ne faut pas les tuer quand même. Donc, il ne faut pas tuer les enfants. Mais il y a deux formes de tuer, d'assassiner son enfant. Il y a cette forme qui est la plus apparente. Avoir un enfant et faire de l'infanticide. L'autre, c'est de ne pas l'éduquer. Si on ne lui donne pas une éducation, c'est bon, on l'a assassiné. Vivant, il est mort vivant. Et qu'ils ne vont ils ne vont pas créer une turpitude de leurs mains ni de leurs pieds. Si elles ne le font pas, et il dit qu'elles ne vont pas te désobéir dans tout ce que tu leur dis et que tout cela c'est bien. Si la femme vient faire cela, atteste cela, donc bayonne. Donc prête leur allégeance. Et ça, toute femme peut se mettre entre lui, avec son cœur, avec le prophète, et il fasse ce serment d'allégeance. Et le prophète l'acceptera. Inch'Allah. Et ces caractéristiques-là, ces hommes-là, c'est ces caractéristiques-là, comme dans le hadith de Nuqaba. Donc les délégués, les 12 délégués-là, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yawm al-Aqaba, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui sont tous des Ansar, des gens de l'Ansar, les auxiliaires médinois, radiallahu anhu, ont prêté d'allégeance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces 12-là ont toujours existé dans la sainteté. Donc c'est des grands saints d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on appelle An-Nuqaba. Et c'est ça, toute femme qui peut accéder à ce degré de Nuqaba, en ayant ces caractéristiques-là, en ayant cette, voilà, ces vertus-là. Et pour finir, pour être équitable aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de femmes qui sont mauvaises. La femme de Sayyidina Nuh, la femme de Sayyidina Lut, comme il l'a dit. Et il a terminé aussi, presque, en parlant de femmes qui sont mauvaises, qui sont en affaire, qui sont en les femmes-là qui soufflent sur les nœuds. Vous savez, les sorcières-là, ceux qui font la sorcellerie, le sihr, la sorcellerie, ceux qui le font, sont de degrés différents. Mais quand tu vois une femme qui le fait, elle est plus dangereuse. Surtout, comme a dit l'imam Al-Qurtubi, rahimahullah, en leur période de menstrues, ils souffrent sur leur nœud et font cette sorcellerie-là. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de cela quand il parle de quand on doit se protéger, hein, des sorciers. Il nous a parlé des sorcières, donc, et des sorciers. An-nafasat wa min sharri an-nafasati fil 'uqadi. Voilà, donc on va s'arrêter là, inshallah ta'ala. Et donc nous remercions donc la daïra de Grenoble, hein, et la cette hadara là. Donc comme il l'a dit, c'est la hadara de Lyon et la hadara de Grenoble ne font qu'à réalité 1. Donc on est dans le même secteur, alhamdulillah. Et donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de finir ce ramadan dans la bonté, dans la droiture, dans la rectitude, dans la mise en application et la conformation au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazaka Allahu khairan. Syekh Mustafa. Barakallahu fiik. Kallahu rikubi usanti. Masha'Allah pour votre conférence. Il est très haut de facture. Barakallahu fiik. Donc pour ceux qui ont des questions à poser avant la prière de la règle, si c'est possible, Syekh Mustafa, j'espère que vous avez la parole. Ceux qui ont des questions à poser sur la conférence. Combien à quelle heure? 25. Dans un quart d'heure. Pas besoin. Non, c'est bon. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'il y a avec la. Pour le port du voile, parce que comme on est dans un pays laïque, c'est vrai, et que dans une ligue, est-ce que c'est obligatoire qu'on mette le voile? Moi, ça me pose problème, parce que quand je vais au travail, là où je travaille, on ne nous permet pas de mettre le voile. On est en période de Ramadan, est-ce que c'est une coordination? Je me pose tellement de questions, parce que vous êtes obligé de mettre le voile quand vous êtes en voiture ou dans le bus, mais dès que vous arrivez, vous l'enlevez. Parce que vous êtes face à d'autres personnes qui n'acceptent pas que vous portez le voile. Est-ce que ça, c'est une des conditions pour respecter notre Ramadan, de respecter le fait d'être musulman? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jazakumullah khairan, voilà, c'est une question pertinente. Mais il faudrait savoir juste une chose. Bon, la question est double, cette question-là. La première question, la première chose, c'est que le port du voile pour le Ramadan, c'est là, en fait, ça n'a pas de rapport. C'est-à-dire que on ne peut pas dire qu'une femme qui n'a pas le voile n'a pas de Ramadan accepté. Parce que parmi les conditions du Ramadan, il n'y a pas le fait de mettre le voile. Voilà. Ça, c'est aussi simple que ça. Le fait de ne pas porter le voile ne coupe pas le Ramadan. Ce qui coupe le Ramadan, c'est le manger, la boisson et les rapports intimes. C'est ça qui coupe le Ramadan. Ce qui, y a des choses qui font que le Ramadan, on ne profite pas plus du Ramadan. C'est par exemple parler de mauvaises choses, s'adonner à des péchés, etc. Voilà. Et c'est que ce n'est que dans cette optique-là qu'on pourrait dire que celle qui n'a pas mis le voile, etc., ne profite pas carrément du Ramadan, en tout cas, voilà, comme il le fallait. Mais cela n'annule pas, et cela n'impacte pas sur la validité du Ramadan. Et ceci, il n'y a aucune divergence entre les savants là-dessus. Cependant, le port du voile est une obligation divine. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Celle qui dit que moi, je vais aller au travail, comme je travaille, donc je ne vais pas mettre mon voile, en tout cas, dans le lieu du travail, parce qu'il y a le patron qui n'aime pas, il y a l'autre qui n'aime pas, on va lui dire juste deux choses. Rien ne fera que ne fera que le port du voile n'est plus obligatoire. Cependant, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas prendre la responsabilité de dire que oui, bon, vous savez, tu sais, tu peux ne pas mettre le voile. Non, ça, on ne le dira jamais. Parce que on ne peut pas assumer cette responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, ce que nous disons et nous conseillons à toutes celles qui sont confrontées à ce genre de situation, c'est d'abord d'avoir une bonne intention. D'avoir une bonne intention avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, قُلْ لِلَّذِينَ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُوتِيتُمْ. Donc, dit aux prisonniers, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit aux prisonniers qui sont entre tes mains, si Allah connaît en vous, dans votre cœur, le bien, il vous donnera mieux que ce que vous avez. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala le dit aux mécréants. Donc, un musulman ou une musulmane qui est obsédé par cette prescription divine et qui a cette bonne intention-là et qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un travail, un autre emploi qui va lui permettre cette fois-ci d'avoir son voile, Allah subhanahu wa ta'ala pourrait le lui faciliter. En fait, il lui faudrait avoir cette obsession-là et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala qu'il facilite cela. Voilà, qu'il le facilite. Et donc, nous implorons aussi avec vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous le facilite. Voilà, d'avoir un travail meilleur qui vous permettra d'avoir un salaire meilleur et avec votre voix. Amen. Qu'Allah le fasse. Wallahu ta'ala a'lam.